il y a vraiment une des personnes clés aujourd'hui dans la société qui l'emploie et dans laquelle tu as des parts, je pense aussi. Donc c'est un jeune entrepreneur. BeConnect, c'est une société digitale qui s'occupe surtout de l'activation sociale. Et il va vous expliquer pas mal de choses. On a vu beaucoup de choses au niveau du banner, on a parlé d'efficacité des campagnes. Il va nous parler plutôt des campagnes sur les réseaux sociaux, comment aujourd'hui des annonceurs tels que L'Oréal ou Perrier travaillent avec une agence de spécialistes pour faire en sorte qu'on parle de leur marque et qu'on puisse engager une communauté. N'hésitez pas, c'est une vraie spécialiste, donc si vous avez des questions, allez-y. Chuter. Ceci n'est pas dans les notes qui circulent, puisque l'année passée, Olivier n'est pas venu de l'écho. Mauvais garçon. J'aime les bad boys. Je laisse en bonne. Ah, ça, c'est pas de ma faute, évidemment. Je suis Olivier Fontry, c'est pas de l'IEX en 2012. C'est pas matériel, ça. C'est pas matériel, ça. Mon job, c'est de développer une stratégie média, principalement sur les réseaux sociaux. En gros, mon job, c'est de créer vos Facebook avec leur publicité. Et pour votre info, je vais mettre un commande de chèvre. Le planning du jour, c'est pouvoir faire une review des réseaux sociaux et voir un petit peu au niveau marché, voilà, quels sont les gros players en termes de réseaux sociaux. On va beaucoup parler de Facebook aujourd'hui. Et surtout, qu'est-ce que ça a changé en termes de communication, voilà, parce que les réseaux sociaux ont des codes très particuliers, donc on va voir ensemble ce que ça implique en termes de publicité. Je vais commencer par une petite overview, et donc ça c'est les chiffres de cette année 2017 en janvier du trafic sur les réseaux sociaux, donc les utilisateurs mensuels de chaque réseau social. On a donc Facebook en tête avec 1,8 milliard d'utilisateurs qui sont connectés à la plateforme tous les mois. Ensuite on a WhatsApp qui vient avec son milliard d'utilisateurs, Facebook Messenger encore 1 milliard d'utilisateurs. On a des plateformes asiatiques, on va en parler aujourd'hui parce que c'est pas trop notre marché. On arrive à Instagram, on a Tumblr, on a Twitter, on a Snapchat, dont on va parler aussi beaucoup aujourd'hui parce que c'est vraiment une plateforme qui se développe énormément. Et puis on a Pinterest et LinkedIn, je ne vais pas trop les évoquer aujourd'hui parce que c'est assez particulier. Quand vous regardez ce slide et que vous regardez les quatre premiers logos, est-ce qu'il y a un truc qui vous choque? Ouais, c'est ça. Tout ça, c'est Facebook, en fait. Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram. Tout ça, ça appartient à Mark Zuckerberg, en fait, il a tout racheté. Ce qui pose déjà une question d'éthique, hein, de savoir que c'est un même mec qui va posséder les données. Mais aussi, en fait, que tout simplement, un tiers de la population mondiale est sur un réseau social qui est possédé par Mark Zuckerberg. Donc, autant vous dire que le mec, il s'en sort plutôt pas mal. Si on regarde l'action en bourse de Facebook, ça c'était le moment où j'aurais dû investir dans Facebook. L'action est environ à 40 dollars. Maintenant, ils vont arriver à 150 dollars en quelques années seulement. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment la société qui prend une valeur énorme en bourse. Pourquoi ? Parce que si vous regardez les chiffres d'utilisateurs, même journalier ou mensuel, ils sont absolument incroyables. Ici, on a à gauche les chiffres daily, donc tous les gens qui sont actifs tous les jours sur Facebook ou Instagram, on a 1,2 milliard d'utilisateurs. Si on prend les gens qui sont actifs au moins une fois par mois, on a 1,8 milliard d'utilisateurs sur Facebook. C'est juste énorme. Et ce qui a vraiment poussé la croissance de Facebook, en fait, c'est les smartphones. C'est vraiment le développement du smartphone qui a poussé en fait, le réseau social. Parce que Facebook, c'est un newsfeed. Vous savez tous comment ça fonctionne. Les newsfeeds, c'était vraiment le truc parfait qu'ils ont pu porter directement sur le mobile. Parce que vous, à l'époque, avant le smartphone, on scrollait sur son desktop. On a pu scroller facilement sur son mobile. L'usage était vraiment prédestiné pour se développer sur son mobile. Petit point aussi rapidement sur Twitter, et vous voyez que la courbe n'est pas vraiment la même. depuis 2014, en fait, ils sont bloqués là. Twitter ne grandit plus vraiment en termes d'utilisateurs. Donc, c'est plus une plateforme qui se développe et en laquelle les gens ont confiance. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a eu cet article qui est apparu cette semaine. Je ne sais pas si vous avez vu. Je ne sais pas si vous avez lu cet article cette semaine, qui est plutôt inquiétant. Il dit que presque 15% des utilisateurs de Twitter, pas vraiment des utilisateurs, sont vraiment des robots. Des machines qui vont retweeter automatiquement. Je ne sais pas si vous postez de temps en temps sur Twitter et vous utilisez le hashtag cupcake ou n'importe quoi. Je vois directement que vous avez 15 retweets et 10 likes de gens qui. Que vous connaissez les agents, en fait, sont des robots qui automatiquement vont retweeter les certains contenus. Donc, quand même 15% des utilisateurs Twitter qui sont tout simplement faux. Monsieur. J'utilise un générateur de tweets qui est fait par lui, qui constitue un journal, et qui prend un des posts qui sont mis sur le site. C'est considéré non comme un. Non, ça serait vraiment en gros si toi tu continues à avoir une activité normale, mais on a vraiment des comptes Twitter qui sont juste là pour générer du spam. Ouais. Oui. Non, pas forcément. S'il y a beaucoup de spam de liens, parce qu'il faut savoir que Twitter est référencé par Google. Okay. Donc si tu as beaucoup de liens sur Twitter, tu as ton site web qui va plus facilement remonter dans Google. Tu as des gens qui truquent le système en faisant des robots qui vont publier plein de liens sur Twitter vers un même site web. Du coup, Google va croire qu'il y a un buzz autour du site et faire remonter dans le résultat. Donc c'est vraiment truquer le système. Clairement. Ouais, clairement, pour une marque, de se faire capter avec un robot, c'est vraiment très beau. Donc on avait Mark Zuckerberg sous les billets, le patron de Twitter dont j'ai oublié le nom, il se porte très bien, avec son action en bourse en train de dégringoler. Donc tous les gens qui se sont dit « Ah mince, j'ai loupé le cas à Facebook, il va acheter des actions Twitter », en fait, ils sont beaucoup moins heureux en ce moment. On va parler aussi de Snap. J'imagine que vous êtes à peu près tous inscrits dessus. C'est vraiment la plateforme qui a décollé d'un seul coup, surtout à partir de 2016-2017. En termes de revenus, ils ont généré beaucoup d'argent. Regardez la courbe de leurs revenus ces dernières années. Ils ont une belle projection pour 2018. Mais en fait, ils ont énormément grandi au début. On a beaucoup parlé de Snapchat en 2014, beaucoup de gens qui sont inscrits dessus. Et vous voyez en fait la courbe en noir, ce sont les nouveaux comptes. Vous voyez qu'on a de moins en moins de nouveaux comptes. Donc c'est une plateforme qui a grandi très vite au début et qui grandit beaucoup moins vite maintenant. Est-ce que vous voyez une raison pour laquelle Snapchat a beaucoup grandi et pour laquelle la croissance est un peu freinée? Ouais. Ouais, tout à fait. Donc on a Instagram qui a copié les stories de Snapchat. Puis on a Messenger qui s'est copié lui-même en sortant les stories aussi dans Messenger. Je ne sais pas si vous utilisez, moi je trouve ça particulièrement chiant. C'est vraiment nul comme idée de mettre ça, c'est pas du tout adapté à l'usage. Mais clairement le but c'est d'embêter Snapchat. Et d'ailleurs depuis que les stories Instagram sont sorties, ils ont vraiment du mal à reconvaincre autour de la plateforme parce que c'était une fonctionnalité forte qui a été copiée et du coup n'a plus vraiment de valeur. Qui utilise Twitter régulièrement? Qui utilise Snap régulièrement? Facebook? Insta? Facebook? Et qui n'est sur aucun réseau social? Baptiste Lafleur. J'ai peur de ne pas faire ça. Si on regarde en Belgique, on a 6,3 millions d'utilisateurs Facebook qui sont connectés à la plateforme une fois par mois. Sachant qu'on est 10 millions, 11 millions en Belgique, pour tirer les bébés, les gens qui ne savent pas écrire et nos grands-parents à la limite, c'est quand même presque 100% de la population en tout cas qui a Internet dans un smartphone. Et si on regarde aussi la population mobile, c'est 5,3 millions de gens qui sont connectés au moins une fois par mois à Facebook. Sur mobile. Et si on regarde le chiffre journalier, des gens qui sont connectés tous les jours, en fait c'est quasiment le même parce que c'est vraiment très addictif. Alors, Twitter en Belgique. 1 million d'utilisateurs, grosses guillemets, et j'ai pas de source pour mon 1 million d'utilisateurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avant, il y avait un bureau Twitter Belgique qui nous invitait à faire des super cocktail parties pour qu'on mette plein d'argent sur leur plateforme. Et leur action en bourse a fait. Et là, ils ont fermé le bureau en Belgique, donc on n'a plus de contact Twitter en Belgique. Et ils nous ont dit à l'époque qu'ils avaient soi-disant 1 million d'utilisateurs. Ils n'ont jamais écrit quelque part, donc généralement on écrit pas un jour. Ça pue un peu. Donc je sais qu'il y a plus ou moins 1 million d'utilisateurs Twitter en Belgique. Je n'ai pas de source à vous donner parce que Twitter n'a jamais voulu nous en donner. Et d'ailleurs, dans leurs résultats, ils ne communiquent pas sur la répartition par pays des comptes. Ce qui est plutôt inquiétant en tant qu'annonceur, de voir que, un, ils ferment leur bureau, et que deux, on ne communique pas sur le nombre réel de gens qu'on a sur la plateforme. Snap en Belgique, c'est aussi 1 million d'utilisateurs et c'est une grande majorité des 13-24, voilà, des gens très jeunes, avec un usage très particulier. J'ai 27 ans et je vous avoue, je ne connais plus grand chose à Snapchat. Ça fait peur, je ne vois pas quel point vide. Donc c'est bien, on a vu tous les chiffres, j'ai bien vacciné avec tous les chiffres, mais concrètement, qu'est-ce que ça a changé dans la communication? Je vais faire une grosse overview et à la fin, je vais vous montrer l'outil de targeting de Facebook, parce que j'ai envie que vous le voyez. Normalement, si vous êtes des gens sensés, après avoir vu cet outil, vous désinscrivez immédiatement de Facebook, parce que ça fait peur. Les réseaux sociaux, en gros, c'est quoi? C'est la bataille de l'attention, c'est la bataille du contenu. J'adore ce genre de petits trucs, parce que c'est le genre de trucs qu'on voit passer tous les jours sur les newsfeeds. Voilà, c'est hyper chouette, c'est hyper décalé. Mais ça veut dire aussi pour une marque que c'est très compliqué de sortir de ça. Pourquoi? Parce qu'on estime maintenant qu'en fait les gens consomment 7 heures de contenu en 5 heures. C'est-à-dire les gens sont devant leur télé, ils sont avec leur smartphone, donc ils consomment énormément de contenu en même temps. Donc imaginez vous en tant que marque devoir ressortir dans un écosystème où les gens sont en train de bouffer du contenu à longueur de journée. Ça veut dire en gros, en tant que marque, quand on est sur les réseaux sociaux, on est en concurrence avec tout. Parce que votre message, votre publicité, elle est en concurrence avec des photos de bébé, avec des photos de bouffe. Votre copine qui est en Thaïlande qui est en train de se la péter vachement, et vous êtes arrivé au milieu de ça avec la publicité. Et en fait, derrière Facebook, un algorithme, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais sur Facebook, vous ne voyez pas 100% des contenus, vous ne voyez pas toutes les pages que vous likez, vous ne voyez pas tout le contenu de vos amis. Parce que Facebook prend des décisions pour vous, ils essayent de vous afficher le contenu qui est le plus pertinent en fonction de ce que vous aimez. Est-ce que vous avez déjà remarqué que du jour au lendemain, vous commencez plus ou moins à vous intéresser à, je sais pas, à la cuisine ou au skateboard, je sais pas, et d'un seul coup, dans votre feed Facebook, vous commencez à avoir plus de vidéos de skateboard ou plus de vidéos de cuisine. Est-ce que vous avez déjà observé ce genre de comportement? Oui. Parce qu'en fait, il y a vraiment une machine qui essaye de comprendre votre centre d'intérêt et qui va vous proposer le contenu qui est le plus pertinent. À votre avis, pourquoi? Il y a évidemment le passé de la pub, mais il y a le deuxième truc, c'est que plus vous passez de temps sur Facebook, plus vous collez de la pub tout simplement. Pour que vous passiez un max de temps sur Facebook, il faut que le contenu que vous y retrouvez soit intéressant. Ça paraît logique. Et donc il y a vraiment une machine qui est en permanence en train d'analyser votre comportement et de vous pousser le contenu qui est le plus pertinent possible par rapport à votre centre. Est-ce que c'est clair cette notion d'algorithme de nous suivre que vous ne contrôlez pas du tout? Vous avez entendu parler de la notion des chambres d'écho sur les réseaux sociaux? Je pense qu'ils veulent plus voir ce que c'est. C'est un problème justement lié aux algorithmes qui analysent vos centres d'intérêt et qui vous donnent du contenu qui est censé correspondre à ce que vous aimez. En fait, on est face à un problème culturel, c'est que si on vit pas mal de temps sur les réseaux sociaux, c'est qu'on a une chambre d'écho, c'est-à-dire que notre contenu fait écho à un autre contenu identique, mais qu'on n'en sort jamais. c'est que dans vos choix musicaux, dans vos choix de séries, de films, etc., on va commencer à nous abreuver avec à peu près les mêmes choses. Et ça, à terme, ça va poser un problème par rapport à la société. C'est-à-dire qu'on a, on va perdre ce sentiment, enfin, cette volonté d'être curieux, de découvrir quelque chose de nouveau, parce qu'on est nourri de manière automatisée par des algorithmes qui sont censés correspondre à ce qu'on veut, mais qui nous donnent ce qu'on a envie d'entendre et ce qu'on a envie de voir. Ça a posé de même problèmes politiques et également au niveau des news par rapport à l'élection de Trump. C'est ces chambres d'écho, finalement les algorithmes donnent, ne lancent pas et n'ouvrent pas le débat. On met en avant des arguments politiques que les gens ont envie d'entendre parce que ça correspond à leur opinion. Et donc finalement, on ne fait pas, il n'y a pas de débat de société, on ne fait pas changer les gens d'avis. C'est tout un problème aujourd'hui, ce n'est pas la solution, mais c'est un problème bien plus large qu'un problème publicitaire, c'est un problème de société. Par rapport à ces chambres d'écho des réseaux sociaux qui sont conditionnés par les algorithmes. Je reviendrai à la fin de la présentation sur la dimension politique, mais en effet, on parle de Facebook ici, mais c'est aussi le cas sur Google, puisque Google oriente vos résultats en fonction de votre comportement. Et finalement, même si vous désirez sortir de Facebook et vous faites des recherches sur certains sujets, vous ne pouvez pas en sortir non plus, puisque même Google va truquer les résultats en fonction même de votre opinion politique. Ce qui a pu se passer aux États-Unis, finalement, ça veut dire que finalement vous restez convaincu de vos propres idées, puisque les résultats qu'on vous donne correspondent à ce que vous pensez déjà. C'est vrai que c'est un vrai débat de société. En ce qui concerne les marques, donc, on a une possibilité de truquer tout ce système, c'est de payer, tout simplement, pour insérer une publicité au milieu de tout ce contenu. On va parler aussi aujourd'hui des stratégies payantes qui vont permettre d'émerger dans le flux de. Mais si je reviens sur la dimension contenu avant de passer au payant, il y a vraiment quelque chose de très fort qui s'est développé sur Facebook et sur les réseaux sociaux, c'est qu'on est passé vraiment d'un contexte très textuel finalement à une expérience complète. Quand on partait en vacances avant, on envoyait simplement un SMS, je suis à Venise, tout se passe bien, bisous. Après, on a commencé à envoyer des photos, des Instagram, etc. pour dire voilà, j'y suis, un petit selfie avec le bon hashtag. Après, on a commencé à faire des vidéos qu'on a envoyées directement soit sur les Messenger, etc. Maintenant, on fait carrément la photo 360 pour montrer qu'on est bien heureux et que tout le monde dans son bureau passe une très mauvaise journée en Belgique où il fait moche. Et puis, je pense que l'étape d'après, ça va être, on y est déjà, c'est le live, hein, finalement, vous pouvez faire directement sur Facebook un live pour bien montrer en direct à quel point vous êtes super content d'être en Italie. Ce qui va arriver cette année, ça va être le live 360, où vous allez pouvoir montrer en direct et en 360 degrés à quel point c'est vraiment génial d'être à Venise, sur la place Saint-Marc, en train de manger une glace, pendant tout le monde en train de se faire chier pour le tour du beau. Donc c'est vraiment toute cette évolution, mais c'est aussi une évolution d'usage, ça veut dire que les gens passent énormément de temps sur Facebook, à consommer tout ce contenu, et c'est d'autant plus d'opportunité pour les annonceurs de passer de publicité. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Au moment où les vidéos Facebook ne se passent bien, à partir de bientôt, voire maintenant, à la 20e seconde, on va couper avec la publicité. Désolé. Donc toutes les publicités, ça va ressembler à plus en plus à YouTube, à la 20e seconde, voilà, c'est bon. Avec un spot, ça va d'annonceur. Et c'est pour ça que Facebook pousse le live, parce que le live, c'est des vidéos qui sont beaucoup plus longues et qu'on est obligé de regarder pour voir exactement ce qui se passe. À la 20e, on va couper avec un spot publicitaire. Désolé. Il y aura aussi de la pub dans Messenger. C'est marrant parce que ce que les acteurs digitaux ont souvent critiqué par rapport aux vieux médias qui étaient la télévision en disant la publicité qui est un peu une retransmission, c'est vraiment chiant, c'est un vieux modèle, ouais. On est en train de revenir. Ouais. Même dans les méthodes d'achat, on y reviendra tantôt, même dans les méthodes d'achat, avant on achetait Facebook vraiment de manière plus graduelle, avec vraiment une sensibilité. Maintenant Facebook est en train de nous pousser des formats. J'achète littéralement Facebook comme de la télé, je réserve à l'avance, on me garantit un delivery et on envoie la chaîne. Donc on a vraiment Facebook qui est en train de devenir une énorme télévision et je pense qu'à terme ça peut l'être. Ouais, justement, on parlait de vidéo. Tout à l'heure, comme musique, les gens consomment 21 minutes par jour de vidéos online. Et surtout, en fait, sur YouTube, on a 1 milliard d'heures de vidéos views tous les jours. Sur Facebook, on est à 8 milliards. Et donc on a vraiment eu une évolution où Facebook a fortement poussé le format vidéo. Est-ce que vous avez vu une évolution dans Facebook récemment qui expliquerait qu'ils sont en train de bousiller YouTube en termes de vues? Un changement qui a eu lieu il y a un an ou deux dans Facebook. Ouais, c'est ça, je l'ai entendu là-bas aussi. C'est ça, les vidéos maintenant sur Facebook qui se lancent automatiquement. Et ce qui fait donc que ça a poussé énormément de consommation de vidéos. En vrai, est-ce que vous regardez à chaque fois les vidéos jusqu'au bout? Alors, vous les appelez après quoi? Des secondes, deux secondes? C'est ça. Donc il y a un usage qui est vraiment très différent entre de la vidéo sur Facebook et sur YouTube, oui. Qui est vraiment totalement différent. Sur YouTube, tu t'arrêtes, tu es là pour regarder ta vidéo, et si elle fait 30 minutes, tu sais au début qu'elle va faire 30 minutes, donc tu vas la regarder. Mais sur Facebook, tu as l'autoplay, qui fait qu'elle est là, et tu t'arrêtes quelques secondes, et si ça t'intéresse, tu peux aller en effet. Donc tu as vraiment un usage qui est complètement différent entre YouTube et Facebook. On a 75% de vues sur Facebook. Oui, pardon. Quand on ne finit pas la vidéo, ça compte pour une vue quand même. Oui. Ouais. Si tu veux, après on fera la définition de tous les KPI, etc. Ça va être super. C'est déjà la troisième en ce moment aujourd'hui. Donc tu as vraiment cet usage qui a changé, et surtout grâce à mobile, qui a permis effectivement d'avoir de l'enchaînement automatique des vidéos, etc. Donc l'usage qui change beaucoup. Et on va voir après ce que ça implique pour les annonceurs. Donc si je prends l'évolution 2012-2015, on a plus 600% de vues. Donc c'est vraiment le mobile qui va pousser la consommation de vidéos. On arrive au mobile justement. Alors c'est une étude Facebook qui aime bien nous convaincre que les jeunes passent leur temps sur leur mobile. C'est pas vrai du tout. Hein. 80% des millennials disent qu'ils ne peuvent plus sortir de chez eux sans leur téléphone portable. Et 62% disent qu'ils le checkent au moins 30 fois par jour. Je pense qu'on est pas loin de la réalité. Il y a un chiffre qui est aussi très interpellant, c'est aux États-Unis. Une minute sur cinq qui est passée sur son smartphone, c'est ou Facebook ou Instagram. Donc c'est vraiment énorme en termes de consommation et en termes de temps de cerveau, tout simplement. Et le mobile est intéressant parce que c'est un écran qui est extrêmement petit. Mais finalement, quand on le regarde, il prend toute notre attention. Je veux dire, vous avez déjà été au restaurant, vous avez votre pote qui est en train d'envoyer un SMS qui ne vous écoute absolument pas. C'est ça, le mobile, ça prend vraiment toute l'attention malgré le fait que l'écran est très petit. Et c'est pour ça que Facebook est en train de pousser très fort son usage publicitaire. Donc voilà, on a fait un peu le tour des principaux chiffres, les principales tendances. On va voir ce que ça change vraiment pour les annonceurs. Je l'ai fait en trois points. L'approche contenu, l'approche mobile, ce que ça veut dire concrètement, et en termes de targeting et d'annonce payante, quelles sont les stratégies et quelles sont les possibilités. C'est la partie qui est un peu flippante de la présentation. Mais si on revient à un schéma de communication classique, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est ce qu'on communique, sur quel device et à qui. C'est vraiment la base de la commune. Alors l'approche contenu. Si je vois ça sur Facebook, ça c'est une pub télé. Ça sert strictement à rien de mettre ça sur les réseaux sociaux. Vous voyez ça dans votre flux, vous appelez directement. Ça sert strictement à rien, on s'en fout que LCF est trois fois hyper arginine, résiste, double effet crawl génial. Idem ça, je vois ça dans le flux, je m'en fous des mannequins, 3 euros de réduction, je ne sais même pas ce que c'est ce produit, ça sert strictement à rien. Donc je peux développer des autres stratégies de communication. c'est une campagne sur laquelle j'ai travaillé, qui est donc pour L'Oréal, Paris, Argile, Burkley, conseil à l'acheter en magasin. Ils sont arrivés avec ça, avec leur mannequin, leur super spot publicitaire qui fonctionne très bien à la télé. Elle leur a dit c'est bien beau tout ça, mais peut-être sur Facebook, les gens n'ont vraiment rien à foutre. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement envoyé des produits à nos fans qui étaient les plus engagés. Alors on a demandé de nous renvoyer une photo. On a refait un petit montage vite fait avec ces différentes photos et on a utilisé ces photos en publicité. Ça marche beaucoup mieux sur Facebook. Pourquoi ? À votre avis ? Ouais. L'image n'est pas fixée, ouais, dans la vidéo. Donc, on a le fait qu'on a fait participer vraiment à la communauté, donc on a le marketing participatif, on appelle ça UGC, User Generated Content. Le fait qu'on ait effectivement l'utilisation de la vidéo, qu'on a bien présentation, c'était vraiment très important d'avoir de la vidéo. Et vous voyez même le format ici de la vidéo adapté au mobile. On est sur un carré, c'est pas le format d'une télé. Donc on est vraiment sur un format qui va vraiment prendre l'ensemble de votre temps sur un téléphone mobile. Aussi un autre élément important, auquel on ne pense pas souvent, c'est l'utilisation des visages. Parce que si vous êtes sur Facebook, vous regardez une photo de vos potes. Et donc, si vous intercalez avec une photo de produit, comme on l'a vu au slide avant, vous n'allez pas vous arrêter dessus parce que vous n'êtes pas sur Facebook dans un mode où vous regardez des photos de produits. Vous êtes là pour consommer une photo de vos potes qui sont en Thaïlande ou en train de manger au restaurant. Donc, si vous arrivez avec votre produit dans le même écosystème, en fait, vous n'interrompez pas la navigation, vous êtes beaucoup plus naturel dans le fond. Ok ? Ce spot télé. Il y a des jours où on a toutes quelque chose à cacher. Nouvelle gamme Total Color de L'Oréal, corrigée avec la palette. Du vert contre les rougeurs. Je vais pas tout vous le faire, mais c'est pas la télé. C'est le spot télé classique, quoi, avec la mannequin. Je range les contre les cernes. Et on déroule tous les points forts du produit le plus rapidement possible dans un format de 30 secondes qu'on passe à la télé. Ça, c'est le spot TV classique. Sur les réseaux sociaux, on a pris une autre approche. On a payé une influenceuse et on lui a demandé d'utiliser le produit. On a dit tu le fais à ta façon, comme tu le ferais avec ta communauté de fans. Et elle nous a fait tout le petit tutoriel d'utilisation. Ça fonctionne beaucoup mieux sur les réseaux sociaux que d'arriver avec ton spot pub qui déroule directement l'ensemble des points forts du produit. Est-ce que vous voyez vraiment la différence d'approche qu'on a ici ? La palette Total Cover, je pense. Alors, en termes d'approche contenue, il y a des gens qui sont extrêmement forts. C'est Snapchat. Ils ont vraiment compris que les jeunes, il fallait arrêter de les saouler avec des pubs qui interrompent l'utilisation. Ils arrivent avec des formats qui sont vraiment innovants. Ce que vous voyez, c'est que c'est une lens sur Snapchat. Donc, quand vous faites un selfie et que vous mettez des trucs sur votre tête, en fait, on s'est payé Snapchat pour faire des lens sponsorisés. On n'a pas encore beaucoup en Europe, parce que ça coûte un prix absolument dément. On peut arriver avec des solutions innovantes comme celle-là. Donc ça, c'est Gatorade aux États-Unis, le jour du Super Bowl. Donc le Super Bowl, il y a une tradition, c'est que le coach gagnant se prend toujours un seau de Gatorade sous la gueule. Donc ce que Snapchat a fait, c'est qu'ils ont développé avec Gatorade une lens sponsorisée qui s'affichait dans Snapchat et donc on peut jouer avec le produit. Ça vient pas sur le travail parce que les gens se l'envoient et donc on n'a pas l'impression d'être soumis à une publicité parce qu'on est quand même dans un univers de produit. Aussi parce que les gens l'ont partagé, après ils l'ont partagé sur Facebook, ils ont utilisé l'hashtag sur Twitter, etc. Donc il y a vraiment un effet viral autour de cette lens. Ça coûte 1 million de dollars par jour, plus qu'on va faire. Ok. De quoi ? Donc voilà, quand vous faites de la pub sur les réseaux sociaux, si vous devez revenir un peu juste, n'oubliez pas que vous êtes intercalé entre des photos de bébés et de chamillés, et que donc vous devez repenser toute votre communication en photo. Voilà. Une vais repenser l'usage et penser que les gens sont là pour se détendre, qu'ils ne sont pas là pour se prendre une grosse matraque dans la gueule avec une publicité. En fait, si on fait une analogie au catch, simplement, on est devant sa télé, on est sur son sofa, on se prend une publicité, reprend dans la gueule, on est directement dans les cordes. On est assommé directement par la publicité. Sur les réseaux sociaux, l'utilisateur est beaucoup plus agile. Si vous lui filez des coups de poing, il va les éviter. Donc sur les réseaux sociaux, on a une approche qu'on appelle Duck of the Punch. On va donner deux petits coups, et le troisième, on assomme avec le produit. On va voir après en stratégie média ce que ça veut dire. On va faire un petit exercice. Je vais vous montrer un spot TV. Alors, je m'excuse d'avance, c'est vraiment pas le spot le plus créatif de la Terre, évidemment. C'est un spot TV à la fin. On va le regarder et vous allez essayer de me dire quels sont les éléments qui doivent changer absolument dans ce spot qui fonctionne sur les réseaux sociaux. Sachant qu'on ne va pas changer le spot, on va repartir vraiment des mêmes éléments. On ne va pas retourner le spot. Milk in your coffee is good, but could you say it's truly blissful? Then it's time for you to try Coffee Mate Natural Bliss. Only 4 natural ingredients that will transform your coffee from good to blissful. Bliss your cup with Coffee Mate Natural Bliss. C'est dit que c'est pour rien. Ok, à votre avis, quels sont les éléments principaux qui ne fonctionnera pas sur les réseaux sociaux? Oui. Ok, c'est pas ça, mais ok. C'est très encourageant. Ouais, ça sera un peu mal pour moi. Ok. Ouais. J'avais dit plein de trucs à vous. Hein. On montre trop le produit et pas assez les personnes. On pourrait jouer là-dessus, ouais. Ouais. Choisissez, les tapés. Il y a beaucoup de blabla et on voit seulement le produit à la fin, alors que sur Facebook, on peut-être que mettre ça. Ouais, c'est ça, c'est un bon point. Donc elle a dit, on voit seulement le produit à la fin, alors que je trouve sur Facebook, c'est que les gens quittent très rapidement la vidéo. Je vous ai dit, si la vidéo vous suit, en 3 secondes, vous l'avez zappé. Il y a un point crucial que vous avez oublié, pensez à l'usage mobile. Faut pas mettre des selfies. En fait, sur le mobile, il n'y a pas de son. Vous êtes dans le métro, vous êtes en cours. Vous n'allumez pas le son. Vous n'avez jamais le son sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il est désactivé par défaut sur Facebook. Quand il y a la vidéo qui joue, il faut vraiment que ce contenu vous intéresse très très très fort pour que vous preniez vos écouteurs, que vous mettiez sur pause, que vous appuyez sur le petit bouton pour remettre le son et puis que vous mettiez sur play. Ça rend toute une démarche. Donc en fait, on sait qu'on a 80% des gens qui vont tout simplement jamais allumer le son. Donc on arrive avec un super beau spot, excellent, trailer de film, plein d'explosions, musique de dingue, acteurs musqués. On enlève le son, ça marche plus du tout. Donc on est vraiment dans une démarche qui est complètement différente sur mobile à cause du fait qu'on perd totalement le son. On a un truc très important, tu l'as dit, en fait c'est l'accroche. Sur Facebook, il faut absolument capturer l'attention dans les 3 premières secondes, maximum. Ils ont fait une petite expérience avec Nordis, qui est en gros une page qui diffuse des mèmes et des vidéos marrantes. Et ils ont fait un petit test avec cette vidéo de chien qui fait du surf. En fait, ils ont fait 2 versions de la vidéo, ce qu'on appelle faire de l'A/B testing. Première version, ils commencent normal, les mecs qui arrivent, qui mettent leur surf dans l'eau, qui prennent leur chien, qui mettent le chien dans l'eau, le chien qui fait du surf. C'était à quoi 15 secondes dans la vidéo et les gens ont encore compris que c'est le truc génial de la vidéo, c'était un chien qui surfe. En fait, si tu commences ta vidéo avec directement le petit chien qui surfe, et puis que tu rétro-pédales et vu que tu vois les gens qui rentrent dans l'eau, tu vas avoir beaucoup plus de succès sur la vidéo. Parce que dans les 3 premières secondes, on a mis un chien. Truc de pro, mettez des chats et des chiens dans toutes vos communications Facebook. Ça fonctionne. Donc voilà, ici le mot important à revenir aussi, c'est faire de la B-testing, c'est-à-dire créer 2 versions de la même publicité ou de la même vidéo, de la diffuser sur la même audience et de voir quels sont les résultats. On verra ensemble après au niveau résultat ce qu'on peut sortir. Je crois avoir internet. Donc voilà, A-B-testing, ça veut dire faire 2 versions. version et à tester sur l'autre. Je vous ai mis un graphique qui est vraiment un graphique que je tire d'une page d'un de mes clients et qui vous montre la rétention de l'audience sur une vidéo Facebook. C'est une vidéo qui fait 2 minutes 18 et on a ici le pourcentage de gens qui la regardent. On voit qu'il faut juste une petite seconde pour que la vidéo se lance en autoplay. Et puis une fois que les gens commencent à la regarder, à la 10e seconde, on a déjà 30% des gens qui se sont barrés. Donc je vous dis, c'est vraiment les premières secondes qui sont déterminantes en vidéo sur Facebook. Et vous voyez ici, à 1 minute 40, on n'a plus qu'à 10% des gens qui sont réellement en train de regarder. Donc ici, c'était le trailer d'un film. On a fait le test avec le client. Je lui ai dit, pas de problème, je te mets ton trailer de 2 minutes 18 sur Facebook. On va voir combien de gens vont vraiment la regarder jusqu'au bout. Parce que la date de sortie du film est vraiment toujours à la fin. Et quand on voit qu'on a que 10% des gens qui sont restés, on sait qu'on a payé beaucoup d'argent et que c'était absolument inefficace. Donc je reviens à mon spot super nul de Nestlé. Et voilà comment ils ont prononcé sur les réseaux sociaux. Ah, je ne sais plus qui avait dit ça, mais ils ont gardé le format 16/9, mais en fait, ouais, il aurait fallu aussi en faire un carré pour bien faire. Milk in your coffee is good, but could you say it's truly blissful? Then it's time for you to try Coffee Mate Natural Bliss. Only 4 natural ingredients that will transform your coffee from good. Milk in your coffee. Et si je coupe le son, en fait ça fonctionne pas. Donc on a bien le produit qui est directement dans les premières secondes. On comprend l'essentiel de la communication, même sans le son. Et c'est quand même le prix. Donc vous voyez vraiment l'approche est totalement différente. Bon, je ne dis pas que c'est le meilleur du monde de la Terre, parce que c'est quand même bien nul. Ce qui veut dire aussi qu'on arrive à des excès. Je ne sais pas si vous avez vu ce mec qui est arrivé de fond. Et je trouve ces vidéos absolument infâmes. On se demande où encore la vidéo dans la vidéo, parce que avec le texte au-dessus, en dessous et son sous-titre, on arrive à des excès dans la créatif et pour des agences de publicité. C'est quand même pas très chouette de voir en arriver là. Je pense que David te confirme que ce genre de choses, ça fait mal au cœur. Tu peux me dire les cours qu'on a là en Oscar ici? On a anglais, marketing, e-com, les ateliers, C'est simplement comme ça qu'il arrive à gagner sa vie. Son algorithme, il est chouette, mais il est truqué en tant que marque. Il n'est pas à notre faveur, il n'est à la faveur du contenu des amis, à la faveur des petits chats, il n'est pas vraiment des pages. Grosso modo, dans votre flux, vous avez 10 contenus, il y en a un qui va être de la publicité. Donc c'est pas mal quand vous regardez tout ce que vous scrollez toute la journée, vous voyez quand même beaucoup de contenus publicitaires toute la journée. Donc ça veut dire qu'on va mettre en place des stratégies payantes. On doit arriver, on doit toucher notre audience, on doit toucher plus des gens. Pourquoi ? Pour créer la notoriété autour d'un produit, pour vendre ce produit, peut-être pour driver du trafic en magasin, que les gens aillent au magasin acheter le produit, peut-être bien un coupon. Donc on a toutes sortes d'objectifs qui font qu'on va annoncer sur Facebook. Et donc on a une stratégie payante qu'on appelle la stratégie ABC. Donc c'est Acquire, Bound and Convert. Donc Acquire, c'est quoi? Ça va être premièrement de générer de l'awareness autour du produit. Vous avez une marque de lunettes, vous ne connaissez ni Lève ni Adam. Si elle arrive et je suis en promo de moins 5 euros, si vous ne connaissez pas la marque de lunettes, cette publicité ne va rien vous faire. Donc on a commencé par générer l'intérêt autour du produit. Ça, c'est ce qu'on appelle Acquire. Nous avons arrivé à faire de l'awareness. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour ça? Du Facebook. On va peut-être utiliser l'Instagram qui est très fort dans l'image. Donc on est vraiment là dans une démarche de générer de la notoriété autour du produit. On peut utiliser ce qu'on appelle le Google Display Network. Ce sont des publicités Google, en gros, les bannering sur le site web. On peut utiliser aussi les pre-rolls sur YouTube pour générer vraiment de l'awareness autour d'un produit que vous ne connaissez pas du tout. Ensuite, on arrive dans une deuxième phase. Cette phase, c'est quoi? C'est on vient de me montrer la marque. Ça a l'air pas mal. J'ai regardé un peu vite fait leur site web et j'ai zappé. Donc, on est dans une deuxième démarche qui s'appelle Bound et c'est d'essayer d'éduquer un peu autour du produit. Je reprends mon exemple de lunettes. On m'a montré une super cool vidéo avec des lunettes super bien, etc. Bah, je vais regarder cette vidéo, donc on sait que j'ai marqué mon intérêt. Donc dans un deuxième temps, on va me dire, tiens, regarde mes lunettes, elles existent en vert, en bleu, pour filles, pour garçons. Donc on est déjà dans un second message, qui est un peu plus précis, autour du produit. Là, on va utiliser, par exemple, le moteur de recherche Google. Pourquoi ? Parce que c'est que si les gens ont vu le produit, ils vont peut-être commencer à faire des recherches pour se renseigner autour de ce produit. On va peut-être utiliser aussi Facebook, mon remarketing, et je vais vous expliquer après ce que c'est. Okay. On peut utiliser encore le Google Display Display et le YouTube, aussi en remarketing, et je vous explique après ce que c'est. Et puis la dernière phase, c'est la phase de conversion. Et la phase de conversion, c'est quoi? Bah, c'est l'acte d'achat concret derrière. Okay. C'est clair pour vous ce modèle? Je vous donne un exemple. Ma marque de l'université, je risque mon Facebook en ce moment, je ne sais pas si je suis dans leur cible. Et j'ai vraiment eu tout ce qu'on appelle le funnel de conversion, Acquire, Bond and Convert. J'ai eu d'abord cette première vidéo avec des nanas en bikini, des mecs musclés, très intéressant à regarder. J'ai regardé jusqu'au bout évidemment la vidéo, sûrement à cause des nanas. Et donc, ils ont vu que j'avais un intérêt pour leurs lunettes. Et donc ils m'ont diffusé ce deuxième message. Ils m'ont dit, regarde, t'es un mec, on a plusieurs modèles qui peuvent être cool pour toi. Et là on rentre déjà dans une phase un peu plus engageante, on va montrer un peu tous les différents modèles des lunettes. Voilà, j'ai quand même été voir le site, pour regarder un petit peu ce qu'ils faisaient comme différents modèles. J'ai laissé tomber. Et puis comme par hasard, trois jours plus tard, promo pour toi, juste pour toi. Si tu en achètes une, la deuxième est gratuite. Incroyable. Donc là, on est vraiment dans le funnel complet. On va petit à petit resserrer quelqu'un qui a marqué son intérêt pour une publicité. Est-ce que vous voyez bien comment ça fonctionne? En termes techniques, on a trois grands principes qui sont impliqués ici. Premièrement, un targeting très précis à la base. Parce que si j'ai vu la vidéo avec des nanas en bikini, c'est clairement qu'ils savaient que j'étais un mec, c'est sûr. Donc à la base, ils m'avaient bien cerné, ils avaient bien cerné mon âge, ils avaient bien cerné mon milieu socio-démographique. Donc il y avait déjà un bon targeting de base qui avait été fait. Et je vous montre après sur Facebook comment on peut faire ça. Deuxième concept, c'est le concept de remarketing. Est-ce que vous connaissez ce mot? Vous l'avez vu? Parfait. Remarketing sur Facebook, c'est soit en visitant un site web, j'imagine que vous avez déjà été sur Zalando, vous revenez sur Facebook, vous avez toutes les paires de chaussures du monde qui sont affichées sur votre vue. Mais sur Facebook, il y a un truc super intéressant qu'on peut faire, c'est remarketer les gens qui ont vu des vidéos. Et donc, si vous regardez une vidéo, on sait que vous avez été intéressé par le produit, parce que, je vous ai dit au début, les gens ne regardent que 10 secondes de vidéo. Si vous regardez plus que 10 secondes d'une vidéo d'un produit, on sait que vous avez un intérêt très fort pour le produit. Donc on va continuer à communiquer avec vous. Et le dernier point, c'est le tracking de la conversion. Est-ce que j'ai mis ce après? Non. Tracking de la conversion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le site web, en l'occurrence les lunettes, on a mis un mouchard, on a placé un code que Facebook nous donne et qui nous permet de faire le lien entre une publicité et un achat. Et donc pour chaque euro dépensé sur Facebook, je peux savoir combien ça a rapporté dans l'e-shop d'un client. Ça, c'est le conversion tracking. Je vais essayer de rentrer dans les détails techniques après. Mais est-ce que vous voyez le principe? On affiche une pub et après, on sait combien ça nous rapporte concrètement sur le e-shop parce qu'on trace vraiment tout le trajet des gens en ligne. Okay. Quand vous êtes inscrit à Facebook, qu'est-ce que vous avez donné comme... Qu'est-ce que vous avez donné comme... Combien de trucs que vous filez à Facebook? Non, prénom, message, email. Est-ce qu'un mec que vous croisez dans la rue vous demande ça, vous lui filez? On a quand même été con. Juste pour voir des photos de chats, on a déjà filé tout ça à Facebook. Donc non, le genre aussi, si on est une fille ou un garçon, c'est intéressant à savoir quand même. Email, déjà juste ça pour un marketeer des années 60, c'est impensable. On a été plus loin, on a l'âge, la liste des amis, forcément, on a la connexion entre les gens, c'est très intéressant. Ça c'est le pire, localisation. Vous avez dit vous êtes né, vous avez dit vous avez étudié, vous avez votre smartphone sur vous. Ils savent où vous êtes maintenant. Ça permet de faire des trucs très chouettes avec ça. Ensuite, on a le web aux likes et aux intéresses. Vous allez liker des pages, que ce soit des pages de mode, si vous êtes fan de musique, de langue, de festival, tout ça, c'est des critères qu'on va pouvoir utiliser. On ne se rend pas compte, mais on est en train de construire tranquillement la base de données de Facebook. Je sais pas trop. Facebook a racheté Instagram. Facebook a racheté WhatsApp. Ils sont en train de regrouper toutes les données. C'est-à-dire que les conversations que vous avez avec vos amis, ils ont des petits problèmes pour le moment. Donc, effectivement, pour le moment, ils ont un problème avec WhatsApp parce qu'ils ont racheté la base de données de WhatsApp. Ils ont fusionné, ils ont commencé à fusionner la base de données WhatsApp avec les infos qu'ils ont sur Facebook. Quand ils ont racheté WhatsApp, je ne vous dis pas de problème, on va garder tout séparé, je vous jure, les données des gens vont être très, très, très bien protégées. Ils ont pris un procès carabiné en Allemagne parce qu'on a remarqué qu'ils étaient en train tranquillement de transférer toutes les données des gens de WhatsApp vers Facebook pour essayer de mieux comprendre les conversations. C'est basé sur quoi? Sur les numéros de téléphone. Vous l'avez filé aussi à Facebook. Vous vous rappelez, sur Android, non, tu dis non, mais tu dis oui. Sur Android ou iPhone? Quand t'as ouvert Facebook la première fois, que t'as dit « Est-ce que tu veux trouver plus d'amis en utilisant ton carnet d'adresses ?» Non. T'as cliqué sur « Oui » ou sur « Non » ?« Bien vu. Parce que sinon, t'as tranquillement uploadé tout le carnet d'adresses de tes amis sur Facebook. C'est-à-dire que même les gens qui n'ont pas forcément donné leur numéro de téléphone, si vous avez un crétin parmi vos 150 amis qui a filé et qui a cliqué sur « Oui » pour vous retrouver sur Facebook, il a filé comme un con votre numéro à Facebook. Ça va ? Anecdote, je ne sais pas si c'est de l'info, une journaliste, je pense allemande, qui avait eu une conversation avec un ami via WhatsApp et lui avait dit par téléphone, j'ai envie de faire un safari, ça fait des années que je rêve d'aller en Afrique du Sud faire un safari. Et deux jours plus tard, pour la première fois, elle reçoit un post sur son Facebook, une agence de voyage qui propose un trip. Un safari en Afrique du Sud. Donc ça c'est la conversation, elle n'a pas envoyé un message via WhatsApp, elle a parlé au téléphone. Je dirais un tox quand même, on n'en est pas là. Mais c'est possible. Mais c'est pas avec reconnaissance de voix, etc. C'est pas, je crois que dans tes prochains cours tu vas parler d'intelligence artificielle. Est-ce que quelqu'un utilise Google Photos pour stocker ses photos? C'est bien, c'est chouette, c'est gratuit. On upload toutes ces photos et quand on cherche Venise, hop, ils ressortent automatiquement toutes les photos de Venise parce qu'il y a un algorithme qui analyse l'ensemble des photos. C'est vraiment des ordinateurs qui sont capables de comprendre ce que contient une photo. Vous imaginez toutes vos photos Facebook analysées par ordinateur, photos de voyage, je sais, retracer vos probabilités, ce que vous avez bouffé. Ça peut être vraiment pas mal. Donc, exploiter encore l'intelligence artificielle pour aller encore plus loin que juste ça. Oui. Ouais. Moi non, je connais pas tes photos. Non. Pourquoi t'as des trucs à cacher? Deuxième truc, c'est que votre historique de navigation. Je vous explique. Vous voyez sur le site web, le bouton like des. Par exemple, vous allez sur le soir.be, il y a la box liker le soir.be ou partager cet article. Vous voyez de quoi je parle? C'est un mouchoir de Facebook. En fait, ce code, à chaque fois, fait un appel à Facebook. Donc, dès que vous chargez la page le soir.be, sur lequel ce code est présent, ça fait appel à Facebook. Ce qui veut dire que Facebook possède, en fait, quasiment tout votre historique de navigation, puisqu'on peut dire que ces boîtes sont sur tous les sites web. Donc, ils savent aussi faire un profil sur le site. Grâce au site sur lequel vous naviguez. Donc je pense que quand on parle du voyage en Afrique du Sud, c'est qu'elle a commencé à se renseigner sur cette thématique et que donc ça n'a pas échappé à l'œil des physiques. Oui. Si on n'utilise pas justement cette partie de ton j'aime ou partager tout ça et qu'on copie le lien et qu'on le poste sur Facebook, donc sans passer par notre processus. Ouais. T'es logué sur Facebook en permanence, ton navigateur. Oui, d'accord. Ouais. Tu te déconnectes bien, c'est donc. Ok. Et donc c'est la même chose. Parce qu'ils savent, ils savent qui tu es logué avec ton navigateur. Ok. Donc il n'y a pas de problème pour eux de faire le lien. Hein. Si tu ne copies pas, tu n'en parles pas à tes amis, etc. C'est uniquement sur les navigateurs d'ordinateur ou c'est aussi sur le mobile? On va en parler après. Tu connais la réponse. Donc les conversations, on en a parlé, donc évidemment Messenger. Tout ce qui est commentaires, Messenger, Instagram évidemment. Je dis que Facebook a racheté Instagram. Pour moi, annonceur, Facebook et Instagram maintenant, c'est la même chose. J'appuie sur un bouton, ma pub elle va soit sur Facebook, soit sur Instagram. Ça change strictement rien. Donc on a exactement les mêmes capacités de targeting sur Facebook que sur Insta. Donc vous visitez Zalando, vous voyez des pubs pour les chaussures sur Facebook, vous allez voir la même sur Instagram, parce que maintenant c'est exactement le même cas. Désolé de vous dégoûter. Je reviens à ta question. Est-ce qu'on est traqué sur mobile? Vous voyez comment la publicité sur Internet fonctionne sur base des cookies? On a parlé de marketing. C'est pas les trucs à manger. Donc un cookie, c'est quoi? C'est un code qu'on dépose sur un navigateur et qui permet d'historiser la navigation. Le mec qui a inventé ça, il avait une bonne intention à la base, c'était de retenir ce qu'on faisait sur le site web et qu'on passe d'une page à l'autre, pas devoir retaper tout le temps son mot de passe, ne pas devoir retaper l'ensemble des informations. Donc le cookie, là, à base, ça partait d'une super bonne intention. Le problème, c'est qu'il y a des gens comme nous, et que donc, je suis sûr que c'est à prendre. J'ai perdu mon vie. Donc les cookies ont été détournés par les annonceurs pour pouvoir traquer les habitudes de navigation. C'est vraiment l'effet Zalando. Je sais mon exemple, hein, eux, ils me harcèlent. C'est quand vous allez sur Zalando, vous gardez une paire de chaussures en particulier, et puis vous naviguez sur n'importe quel site web, ils vous harcèlent avec la même publicité. Ça, c'est vraiment l'utilisation des cookies. Vous allez sur un site web, ils déposent un petit code sur votre navigateur, et ensuite, ils arrivent sur votre site web à vous balancer des publicités. Il y a un énorme défaut aux cookies. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Non. Si vous changez de navigateur, si vous visez votre historique, si vous êtes sur votre mobile, c'est vraiment impossible de faire le lien. Parce qu'un cookies est lié au navigateur. Donc vous visez le feed, vous changez de navigateur, vous êtes en mode privé pour les mecs. Tout ça, ça, on a une perte. C'est vrai que Facebook a débarqué et qu'ils ont été beaucoup plus malins que tout le monde. Ils ont forcé tout le monde à s'inscrire sur Facebook. Ça veut dire que vous soyez sur votre mobile, que vous soyez sur votre iPad, que vous soyez sur votre navigateur, en train d'utiliser l'ordinateur de votre copain, peu importe, chaque fois vous vous reloguez sur Facebook comme des cons, et donc on arrive à une précision du targeting qui est beaucoup plus élevée qu'avec un cookie. En gros, on estime qu'avec des cookies, on touche seulement une fois sur trois la bonne personne. Pourquoi? Parce que c'est le boss qui a utilisé l'ordinateur, qui a été sur Kiwi ou je sais pas quoi, et donc l'historique n'est plus le bon. Alors que sur Facebook, comme vous êtes logué, on a directement la bonne personne en face, et donc on arrive à historiser et à préciser le targeting. Est-ce que vous voyez vraiment la force de Facebook? Parce que mon explication est claire. Ouais. Aujourd'hui, on est capable de synchroniser les cookies sur tout ce qu'on est en train de faire, même sur plusieurs navigateurs. Avec Mozilla, on synchronise tout, et même avec un compte Google, on synchronise tout. Donc, enfin, les cookies ils sont partagés qu'on utilise sur notre smartphone ou sur notre ordinateur. Ouais, donc, tu as ton compte Google qui permet de. Google n'est pas innocent. Hein, oui. D'accord. Donc, évidemment, Google a dû trouver des solutions, et donc ils t'ont proposé en service, de t'aider à retenir ta navigation, de t'aider à retenir tous tes mots de passe, que ce soit sur ton téléphone, etc. Mais évidemment, maintenant, cette technologie permet aux cookies d'être plus précis. D'accord. Mais ce n'est pas 100% précis, parce que tu ne vas pas te reloguer sur ton compte Google parce que tu as un iPhone, et puis tu vas sur ton ordinateur, tu vas loguer à ton compte Google, etc. La faute, passe pas forcément bien. Alors que sur Facebook, on va vraiment être beaucoup plus précis parce que c'est logué tout le temps. Okay. Donc je réponds à ta question. Est-ce que ça fonctionne sur mobile? Bah oui. Parce que sur ton application Facebook, tu es logué à Facebook. Donc tu es sur ton ordinateur de bureau, tu es logué, tu vas voir un site web, et après tu peux recevoir tout à fait la publicité sur ton mobile. Parce qu'en fait, tu es une personne sur Facebook. C'est pas un cookie, c'est un individu. Est-ce que les applications, ça communique entre elles ou pas? Parce que je sais que par exemple, quand ton téléphone, on peut s'enregistrer sur un iPhone. Parce que justement, Apple bloque l'interaction des applications. Donc, si on n'est pas sur l'application Facebook et qu'on est sur une autre application, comment Facebook peut retenir le comportement sur l'autre application, par exemple sur Safari? Alors, sur Safari, il faut que tu sois logué sur Facebook. Aux autres applications comme Booking, etc. Il y a un module qui permet en fait à Booking de faire le lien entre Facebook et sa base de données. Okay. Il y a des formats publicitaires sur Facebook qui permet en fait de, sur base d'un comportement dans une application, de réengager les gens sur Facebook. Je donne un exemple, parce qu'ils le font sur Booking. Tu es sur l'application Booking, tu commences une réservation. Tout à fait avoir des publicités après pour cette même réservation que tu as commencé sur l'application parce que on a la technologie pour le faire. Ça s'appelle un SDK. Voilà, tu peux chercher son code si tu t'intéresses au code. Mais voilà, c'est un code, c'est un mouchard que tu places dans les applications. Alors tous les annonceurs le font parce que c'est très intéressant de voir comment l'audience que tu as sur ton application parce que tu peux croiser les données de Facebook et les gens qui visitent ton application. On va voir après si tu veux voir. Oui. C'est quoi certains sites proposent de s'inscrire même raison, capturer directement tes données Facebook, ça va beaucoup plus vite. Parce que si je ne le fais pas via Facebook, je vais juste rentrer mon nom, mon prénom, mon adresse email, et pas un passeport. Alors est-ce qu'avec le Facebook Connect, on a l'impression que c'est beaucoup plus simple. Mais c'est beaucoup plus riche aussi pour la notion, parce que là je vais avoir ton âge, ta région, d'où est-ce que tu es étudié, je vais avoir toutes les informations. Alors on ne l'a pas, je ne sais pas si c'est tout, mais par rapport à ton profil, c'est beaucoup plus riche. Alors il récolte nom, prénom, email, date de naissance. Plus ce qu'on fait. Oui, et le numéro du groupe. Ça permet de faire du marketing. Est-ce que vous êtes désinscrit sur Facebook ou pas encore? Parce que là, on va rentrer dans le vif du sujet. On a trois grandes familles de targeting sur Facebook. On appelle les core audiences, les custom audiences et les lookalike audiences. Je vous explique tout de suite ce que c'est. Core audience, c'est tout basique. En gros, on va utiliser vos données de base sur Facebook pour vous targeter. L'âge, ce que vous likez, si vous avez un bébé ou pas un bébé, si vous êtes marié, pas marié. Toutes les informations que vous avez données comme des idiots à Facebook, tout ça, on peut les utiliser pour faire ce qu'on appelle un targeting par intérêt ou par catégorie, donc les core audiences. Je vais vous faire une démo tout de suite. En gros, c'est l'outil targeting de Facebook. Ici, j'ai mis un critère juste la Belgique. Vous voyez que j'ai directement les critères sociaux des mots qui apparaissent. Donc ça, on voit directement l'ensemble des gens qui sont inscrits sur Facebook et quelle est la répartition par âge. Ouais, pardon. Voilà. Donc ici, c'est l'ensemble des Belges, on a toute la sociodémo. On peut voir où ils en sont dans leur vie. Ils sont single, relationship, engaged, mariés. On peut voir quel niveau d'éducation ils ont. Et on a grosso modo les jobs les plus populaires en Belgique. Si on regarde ici, on a les pages Facebook les plus populaires en Belgique. C'est les classiques, Coca-Cola, Tomorrowland, les Diables Rouges. On a les villes les plus représentées. Il y avait Mons. Et on a surtout le plus populaire en termes de device. Donc ce que les gens utilisent uniquement le desktop, les desktops mobiles, ou juste le mobile. Je n'ai pas menti, hein, le mobile ça représente beaucoup. Et on a directement aussi des données sur quel type de device, sur l'iPhone, etc. Ça c'est la population belge de base, j'en reviens plus là. Ok. Vous voyez déjà juste qu'on a comme un flow comme ça. On va essayer de targeter le groupe. Ok. Là, je vais descendre un peu. Ok. Allez, je vais aller jusqu'à 27 pour la phrase à terre. Et vous voyez que j'ai accès à toute une liste d'intérêts et proposé. Je peux taper moi. J'ai pas ce qu'il y a. Et voilà, comment on peut targeter un peu directement, puisque vous avez mis pour vous étudier. Et voilà, c'est l'accès à la démo. Les gens qui likent et ULB. Ça va, on n'a pas trop de retardataires apparemment. Alors aux États-Unis, ils ont accès à d'autres données. Je ne sais pas ici. Tout ce qui est hors de l'écologie. Alors aux États-Unis, ils sont encore un step plus loin. Facebook est lié à ta carte de crédit. Donc en fait, les banques revendent les données des cartes de crédit à Facebook. Vous allez au magasin, vous achetez un verso pour un bébé. Directement, c'est sûr que vous êtes catégorisé comme potentiel maman. Ça, c'est grosso modo l'outil. Si j'ai un peu plus de temps, je vous montrerai vraiment les fonctions complètes parce que ça fait ça. Test des corrosions. Ça va ? Ensuite, on arrive dans ce qu'on appelle le remarketing. Et donc, ce que Facebook appelle les custom audiences. Custom audiences, c'est quoi ? C'est prendre les données que j'ai sur mes clients et les utiliser dans Facebook. Je vous ai dit, on peut utiliser les visites sur les sites web. On utilisait aussi, ça c'est super puissant, ça existe des emails. Vous voyez, quand vous allez au magasin, la caissière fait « Je peux avoir votre email pour avoir super coupon ». Hop, on liste tout ça, on suit dans Facebook et on liste directement. Parce que vous êtes inscrit à Facebook à l'aide de votre email. Okay. C'est super puissant pour retrouver des clients, ou à l'inverse pour les exclure. Parce que si vous êtes venu en magasin, je ne vais pas payer une deuxième fois pour vous afficher de la publicité. Donc on peut exclure des campagnes tous les gens qui sont venus en magasin. Ça, c'est l'utilisation du custom audience. Là où ça devient marrant, on peut croiser les critères que nous on a, à savoir les visiteurs de notre site web, nos bases de données, et jouer avec les critères de Facebook. Et là, on commence à faire des croisements de données. On dit à Facebook, je veux mes clients qui sont des femmes et qui ont entre 18 et 30 ans. Et on leur affiche la publicité qu'ils veulent. Et la démarche. Donc comment ça fonctionne, le custom audience, c'est qu'on prend la base de données du client, et Facebook prend sa base de données, et il regarde quels sont les points communs entre les deux bases de données, sur base de l'email, et sur base aussi du numéro de téléphone mobile. Tout ça en toute sécurité. Facebook va me reconstituer une audience similaire que je vais pouvoir utiliser en tant qu'un anglais. Donc ça, c'est Lookalike. Hyper puissant, quand on connaît ses clients et qu'on peut parler dans des nouvelles. C'est clair pour vous ? On a parlé de conversion tracking tantôt avec l'exemple des lunettes, vous vous rappelez. Donc sur Facebook, on a ce qu'on appelle un pixel de tracking. C'est un marqueur qu'on va placer sur le site web de nos clients s'ils ont un e-shop ou s'ils ont un site web. Et en fait, ce pixel permet de faire le lien entre Facebook et tous les visiteurs des sites web. Vous connaissez sûrement Google Analytics, c'est exactement le même principe, mais avec Facebook. Donc il va tracer tous les gens qui passent par le site web de mon client. Tous les gens qui passent par le site de mon client, je me les mets dans la poche et on se constitue petit à petit une audience de gens qu'on peut réutiliser après et sur lesquels on peut afficher de la publicité. Et ça permet également de traquer ce qu'on appelle le retour sur investissement. Donc pour 1 euro dépensé sur Facebook, combien concrètement j'ai gagné sur mon e-shop. Voilà. Voilà, je vous ai fait un peu peur avec le targeting qu'on a, et on a déjà évoqué cet effet de chambre d'écho. C'est bien d'utiliser le targeting de Facebook pour faire de la publicité, pas très grave si c'est pour vendre des shampoings. Maintenant, quand il s'agit de truquer des élections, ça pose quand même une question. Je ne sais pas si vous avez lu cet article de Motherboard qui a été très diffusé. Vous voyez le principe pas du tout. Donc c'est Donald Trump ainsi que les gens qui poussaient le Brexit ont utilisé la force de frappe de Facebook pour vraiment truquer tout simplement les élections. Comment ils ont fait ? Ils ont utilisé un modèle psychologique. Ils ont utilisé l'étude d'un professeur qui a remarqué que les gens correspondaient en gros à des profils. Est-ce qu'ils étaient anxieux, pas anxieux ? Est-ce qu'ils étaient ouverts, pas ouverts ? Et donc, comme ça, j'ai réussi à marquer les gens. En fait, c'est un professeur qui, à la base, avait fait un petit jeu sur Facebook à la con. Il avait demandé à ses amis de se loguer sur son petit site web. Et sur base de leur like, il avait essayé d'identifier un profil de gens. Je vous donne un exemple à la con, mais qui est vrai. Il avait vu que les gens qui aimaient Lady Gaga étaient plutôt ouverts d'esprit. Il y a toute la communauté gay, etc. Autour. Mais il avait vu que certains gens, qui likaient d'autres pages, étaient typiquement ouverts d'esprit. Lui, s'il avait fait ça pour s'amuser, en fait, il y a des gens qui ont piqué son étude, qui ont piqué son idée, et qui l'ont poussé beaucoup plus loin pour essayer d'établir des profils psychologiques d'un maximum de gens. Il y a une société qui a racheté un maximum de données, et je sais que vous avez déjà parlé du Big Data avec David. Il y a une société qui a acheté le plus de bases de données sur lesquelles elle a pu mettre la main, et elle a commencé à croiser toutes les informations qu'elle avait. Que ces gens ont acheté, ce qu'ils likent sur Facebook, quel est leur comportement, etc. Et puis ils ont établi les profils psychologiques de tous ces gens. Quand vous avez des profils psychologiques, après vous savez exactement ce qu'ils vous ont appuyé. Si vous avez peur de perdre votre emploi, si vous avez une situation très confortable dans votre cœur, on ne va pas vous parler de la même façon. Et en fait, c'est en utilisant ces données que Donald Trump a pu mettre en place sur Facebook des publicités ultra ciblées. Et il a ciblé au quartier près pour appuyer sur le bouton qui intéressait les gens vraiment pour faire mal là vraiment faire mouche. Donc il a utilisé tout le profil psychologique des gens, il a recreusé à la force des frappes de Facebook, il a targeté au quartier près, et donc ça lui a permis de gagner, peut-être. Mais vous voyez vraiment à quel point l'utilisation des données peut être importante. Il faut aussi être conscient, quand on laisse scanner ces données, que ça peut être. Il peut y avoir un abus dans l'utilisation de ces données. Je vous invite vraiment à lire cet article, il est hyper intéressant. Il donne tout le détail de ce profil psychologique et de la société qui est derrière. Ça va ? Je suis au bout de ma présence, donc je vais aller un peu plus en détail dans le targeting. Et je vais juste vous montrer Twitter. Et je vais vous montrer pourquoi Twitter s'appelle Twitter. Vous avez vu les critères qu'on a sur Facebook. La vue, c'est quand même plutôt avancé. Je vais vous montrer maintenant, par exemple, ce qu'on a sur Twitter. En fait, quand je fais une campagne sur Twitter, on me demande simplement de choisir le pays. Et ensuite, de choisir le nom. Il y avait quelques inscrits sur Twitter. Est-ce que vous avez rentré votre genre quand vous êtes inscrit sur Twitter? En fait, c'est pas une info qu'on a sur Twitter. Et c'est un peu con parce qu'ils n'ont pas pensé au début. Et maintenant, ils aimeraient bien revoir cette information, mais ils n'ont pas. Alors, comment ils font pour évaluer si vous êtes une femme ou un homme? C'est en fonction de vos tweets, les tweets que vous avez. Je vous explique, si vous tweetez les cupcakes et petites poneys, vous êtes une femme. Si vous tweetez les grosses bagnoles et gros muscles, pour Twitter, vous êtes un homme. Donc autant dire qu'en tant qu'annonceur, ce n'est pas vraiment le type de précision que j'attends de Twitter. Et ensuite, les seuls critères que Twitter me propose, c'est simplement d'utiliser les hashtags que les gens utilisent et éventuellement les intérêts. Donc vous voyez la différence entre les deux plateformes, la différence de maturité qu'on a, et qui fait que l'action, comme vous le montrez au début, dégringole. Alors, tantôt quelqu'un m'a posé des questions sur les clics. Voilà un dashboard de Facebook. Et qui remonte en direct l'ensemble des chiffres des campagnes qui sont mises en marche. On n'a pas de photo sur le client en fait. Dans la première colonne, un coup. Mais le plus intéressant, surtout sur Facebook, c'est ce qu'ils appellent le reach. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, on a le reach, donc c'est le nombre de gens uniques que l'on a touché sur Facebook. Ça, vraiment, ce que j'ai expliqué à faire de la part de Facebook, c'est que ce n'est pas des cookies, c'est vraiment des individus. Donc on arrive à dire le nombre de gens uniques qu'on a touché pour chaque publicité. C'est beaucoup plus fort que la TV. D'avoir ce chiffre de gens qui. Et après, on arrive dans ce que David vous a déjà expliqué. Impression. CPM, ça vous dit quelque chose? Le nombre de clics sur la publicité, évidemment. Et les fameux CPC, CTR. Encore frais dans vos têtes, pas du tout. Donc vous voyez ici, on a directement les résultats qui remontent. Et on peut optimiser les publicités. J'ai parlé tantôt d'AV testing. C'est ce qu'on est en train de faire sur cette campagne. Vous voyez que j'ai énormément de publicités différentes qui tournent. Je suis en train de tester des publicités différentes sur des audiences différentes pour voir lesquelles vont réagir le mieux. Et en fonction, on va ajuster notre stratégie. On va couper les publicités qui fonctionnent le moins bien. On va proposer des ajustements en client, etc. Donc, comme tout remonte en direct chez nous, on est tout le temps en train d'essayer d'améliorer les résultats. Thank you. tous les cookies, etc. Ça veut dire qu'en fait, Facebook a construit, même sur les moments, un dossier sur base de différentes informations que les gens ont données. Sur base de l'historique de navigation, sur base de carnet de référence. Arrivé déjà sur la plateforme, et c'est pour ça qu'il a énormément de choses, parce qu'il avait construit un système, et qu'il leur avait eu des problèmes, et que finalement il n'y avait pas moyen de désengager ça, parce que tant que tu veux, tu peux le faire. C'est ce que la décision a dit, qui a demandé de mettre en terme à cette plateforme. Et donc c'est un très bon, et que maintenant, je ne peux plus aller sur Facebook, ce qui n'est pas le cas. C'est pas tout le monde a fait, c'est ça. On peut même utiliser de la vidéo, idem, pour générer des clics. Donc là, on va être attentif surtout au coup par clic, puisque c'est mon objectif, c'est de générer des clics, c'est aussi que le bien tard pour être clic comme ça. Il y a un autre format que tu peux utiliser, c'est l'engagement autour des posts. Je vous ai dit tantôt, je publie un post sur ma page, il y a 10% des gens qui vont le voir. Moi, si je veux, je peux essayer de payer Facebook pour qu'il y ait plus de gens qui commentent, etc. Là, on va utiliser des belles photos, on va utiliser des vidéos, etc. Idem, on a un objectif de awareness, on va utiliser beaucoup de vidéos et de photos. Voilà. Est-ce que vous connaissez celui-ci? Je pense que c'est plus innovant. Qui va se charger avec des animations et des photos. Ça, c'est hyper con à faire. On a juste besoin d'un peu de photos, on a juste besoin d'un peu de vidéos. On rentre tout dans l'interface de Facebook et on a un super beau mini site web qui est développé. On l'utilise beaucoup, notamment pour les sorties de films. On a un beau trailer et puis on veut emmener dans l'univers du film. On a vraiment toute une démarche de storytelling qu'on peut faire autour de ce moment. C'est très intéressant. Pas une anecdote, c'est une petite remarque. Facebook prend de plus en plus d'importance, développe des nouveaux formats, mais là, change aussi de métier. C'est donner à l'annonceur une fonctionnalité pour construire un site web sans passer par une agence digitale. On va payer le développement de trucs, là, on paye le média, mais on a les fonctionnalités sans devoir payer le développement d'un site. Là aussi, dans la diversification de ces acteurs aujourd'hui digitaux, c'est en train de grignoter pas mal de métiers périphériques dans la production. Et c'est pas anodin parce que si vous êtes sur votre canvas, que vous regardez, la seule action que vous pouvez faire après, c'est à tourner sur Facebook en fait. Alors que si vous cliquez sur une pub, vous êtes parti sur un site web, vous allez faire autre chose, mais vous ne restez pas dans Facebook. Facebook a tout intérêt à vous garder le plus longtemps possible sur sa plateforme. Donc c'est pas anodin de proposer ce genre de format. Vous restez en permanence sur la plateforme. Ils font exactement la même chose avec les articles de presse. Je ne sais pas si vous avez vu les instant articles. Donc c'est des articles avec un petit éclair en dessous. Quand vous cliquez dessus, ils s'ouvrent automatiquement et vous restez toujours dans Facebook. Et vous voyez la pub de Facebook et pas de lesoir.be ou d'une autre plateforme. Donc ils cherchent vraiment à vous garder plus longtemps sur la plateforme. C'est un format qui n'est pas très connu. Non, il est très chouette. Il s'appelle le Lead Ad. Ça ressemble à une pub normale. En fait, quand vous cliquez dessus, ça ouvre un petit formulaire qui est pré-rempli avec vos infos Facebook. Vous voyez ici, si vous l'avez déjà passé, vous pouvez l'éditer si vous voulez. Et on clique sur OK. Et l'adresse email est envoyée à l'annonceur. Ça veut dire qu'en deux clics, j'ai récolté une adresse email et j'ai qualifié un client. C'est hyper puissant parce que les gens, en deux clics, ont donné leurs informations. Par exemple, je veux tester une voiture. juste mes infos, je clique « Boom » et envoyer directement au garage. Ça, c'est hyper puissant. On l'a testé, ça fonctionne super bien. Il y a plein de gens qui s'inscrivent, on a juste un énorme problème. En fait, ils ne se rendent pas du tout qu'ils s'inscrivent à quelque chose. Donc, on a plein d'adresses mail qui rentrent, on a plein de numéros de téléphone qui sont rentrés. En fait, les gens se situent sans faire exprès et ne comprennent pas qu'ils vont filer leurs données à quelqu'un d'autre sur Facebook. Donc, il y a vraiment un problème avec ce format. C'est la qualité des leads qu'on a derrière, la qualité des informations qui sont apportées. On parlait d'application tantôt. On a également un format qui permet de faire des installs d'app. Candy Crush a beaucoup utilisé une vidéo de YouTube pour Candy Crush pour vous forcer à downloader leur app. Et on parlait tantôt du tracking. Si Candy Crush veut savoir que les gens ont cliqué sur la pub Facebook et qu'ils ont installé, installé leur application, ils ont dû mettre ce fameux mouchard. Et donc, Facebook est toujours en train de pousser les annonceurs également à installer un maximum de mouchards pour suivre la performance, parce que ça nous arrange bien, mais ça les arrange bien aussi parce qu'en même temps, ils récoltent beaucoup de données sur les gens. Donc on a le même principe que sur les sites web, dans les applications, on fout des mouchards et on vérifie le retour sur investissement qu'on a. C'est bon, je suis sûr. On va arrêter ici. Juste un petit peu. D'abord, merci pour cette présentation inspirante et qui, j'espère, vous inspirer, mais pour deux raisons. Un, pour le contenu. Vous avez un expert qui est passionné par son métier, qui a utilisé ça pour les gardiens de vie. Je ne sais pas comment le cas, pour moi, la deuxième chose, c'est que vous comprenez tout, vous avez dit que vous avez l'avenir en main, que l'avenir des. Je ne sais pas.